Comment dit-on savoir en allemand? Wissen. Wissen. Comment diriez-vous savez-vous pourquoi il ne peut pas le faire? Wissen Sie. Bien. Wissen Sie. Warum? Il ne peut pas le faire? Nicht es tun kann. On dira plutôt Wissen Sie, warum es nicht tun kann? Comment diriez-vous, savez-vous pourquoi il ne veut pas le faire? Wissen Sie, warum es nicht tun wollen? Non, il ne veut pas, non pas wollen, mais will. Wissen Sie, warum es nicht tun will? Oui. Comment diriez-vous, pouvez-vous me dire pourquoi il ne voulait pas le faire? Können Sie? Bien. Können Sie? Mir sagen? Oui. Können Sie mir sagen? Pourquoi il ne voulait pas le faire? Warum es nicht tun will? Là, vous dites pourquoi il ne veut pas le faire. Et will, c'est il veut. Je demandais pourquoi il ne voulait pas le faire. Warum es nicht tun würde? Non. Comment diriez-vous il voulait? Wollte. Oui. Donc, pourquoi il ne voulait pas le faire, ça sera warum es nicht tun? Warum es nicht tun wollte? Wollte, c'est ça. Können Sie mir sagen, warum es nicht tun wollte? Comment diriez-vous, savez-vous pourquoi il ne pourrait pas le faire? Wissen Sie, warum es tun? Il ne pourrait pas? Es nicht tun könnte? Bien. Wissen Sie, warum es nicht tun könnte? Et comment diriez-vous, savez-vous pourquoi il ne pouvait pas le faire? Wissen Sie, warum es nicht tun konnte? Konnte, c'est ça. Wissen Sie, warum es nicht tun konnte? Comme pour können, qui donne au passé ich konnte, konnte, wissen admet au passé la forme wusste. Ich wusste, wusste. Ainsi, je ne le savais pas se dira ich. Ich wusste es nicht. Oui, ich wusste es nicht. Et si vous voulez plonger dans le passé, vous direz je n'ai pas su cela. Ich habe es nicht. Et là, vous plongez à partir de wissen dans gewusst. Gewusst. Comment diriez-vous je l'aurais su au conditionnel? Ich. Ich hätte. Es gewusst. Ich hätte es gewusst. Et comment diriez-vous je ne l'aurais pas su si vous ne me l'aviez pas dit? Alors, d'abord, je ne l'aurais pas su. Ich hätte es nicht gewusst. Bien. Ich hätte es nicht gewusst. Si vous ne me l'aviez pas dit. Wenn. Wenn. Oui. Et après wenn. Si vous ne me l'aviez pas dit. Wenn. Sie. Wenn Sie nicht mir gesagt hätten. Wenn Sie es mir nicht gesagt hätten. On a donc ich hätte es nicht gewusst, je ne l'aurais pas su, wenn Sie es mir nicht gesagt hätten, si vous ne me l'aviez pas dit.